France Inter, franceinter.com. Comment et pourquoi sont-ils passés à travers les gouttes? La question demeure mystérieuse encore aujourd'hui. Je veux parler ici des Kant, une des familles d'industriels allemands parmi les plus riches, mais aussi les plus discrètes. Et il suffira que je vous dise que les Kant possèdent la moitié des actions de BMW pour que vous compreniez quelle place ils occupent en Allemagne. BMW, la firme prestige, le fleuron de l'industrie allemande, une entreprise dont les automobiles sentent bon le luxe, le cuir et le bois précieux. Oui, mais voilà, à la fin de l'année dernière, deux documentaristes allemands jettent un vrai pavé dans la mare. Le film qu'ils ont réalisé pour la télévision révèle le passé nazi des Kant, et donc l'origine d'une partie de la fortune familiale. Certes, la plupart des grands industriels allemands ont été favorables à Hitler et l'ont soutenu activement tout en profitant du système concentrationnaire des nazis. Certains, les moins nombreux, ont payé après-guerre. D'autres ont été beaucoup plus tard contraints de reconnaître leurs fautes et ont essayé de réparer ce qui pouvait encore l'être. Mais les Kant, eux, avaient jusque-là échappé à tout acte de contrition. C'est pourquoi ce film, d'abord programmé dans la plus grande discrétion, a fini par faire scandale outre-Rhin, obligeant même la famille à charger un historien de faire la lumière sur son passé. Une affaire d'autant plus troublante qu'on y croise une des figures les plus sulfureuses de la saga criminelle nazie, Magda Friedländer, épouse de Günther Kant, avant de devenir celle de l'âme damnée du Führer, Joseph Goebbels. Monsieur X démêle les chevaux de cette extraordinaire histoire. Moustache, postiche, petite mèche, loustique, œil vache, bouche sèche, moche, riche, louche, speech. J'entends des voix off qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Et je me dis bof, tout ça c'est du bluff. J'entends des voix qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est du bluff. Vieux schnock, pauvre cloche, petit schmock, faux derche, grosse miche, pauvre cruche, peau de druche d'autriche. J'entends des voix qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est du bluff. Mais j'entends des bofs qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est du bluff. Type louche, grosse vache de basse souche, pof, et sale chleu, mouche verte, Jérôme Bosch. J'entends des bof qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est des bluffs. Mais j'entends des bof qui me disent Adolf, tu peux à la catastrophe. Mais je me dis bof, tout ça c'est des bluffs. Oui, y'a. Un seul détail pour vous montrer combien cette affaire est délicate et sensible en Allemagne, où l'on ne peut s'attaquer impunément à un fleuron de l'industrie tel que BMW. La diffusion du documentaire, intitulé « Le silence des Kant », est élaborée après une enquête de 5 ans et n'a été précédée par aucune promotion. Il n'était même pas mentionné dans les programmes de la chaîne. Oui, alors une diffusion quasi clandestine. Les auteurs et la chaîne ont en effet craint qu'au dernier moment, les avocats de la famille Kant ne demandent l'interdiction de cette diffusion. Et comment la famille a ensuite réagi? Les faits reprochés au Kant ne permettent guère la contestation. Aussi, assez sagement, ils ont rapidement fait savoir qu'un historien indépendant serait mandaté pour éplucher les archives familiales. Quitte à déterrer quelques secrets embarrassants. Oui, c'est d'autant plus remarquable que le clan, qui est à la tête de l'une des plus grandes fortunes du monde, a toujours cultivé la discrétion. Chez les Kant, pas de mariage tapageur, pas d'histoire épicée, pas de luxe ostentatoire. Et pas de bling-bling, quoi. Bien au contraire. Pour vivre heureux, vivons cachés. Une règle respectée par tous les membres de la famille. Alors, les révélations du film ont donc dû provoquer un véritable choc. Hein. Non seulement chez les Kant, mais aussi chez beaucoup d'Allemands, pour lesquels BMW est le symbole de la réussite de leur industrie. Et de ce qu'on a appelé le miracle allemand. Hein. En même temps, cette affaire a une fois de plus mis en lumière les limites de la dénazification entreprise après la Seconde Guerre mondiale. D'abord par les Alliés, puis par les nouvelles autorités allemandes de la RFA. Ouais. Pourtant, de nombreuses grandes entreprises ont été compromises avec le régime nazi et ont fini par admettre leur culpabilité. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des magistrats qui les ont d'abord accusés. Elles ont cédé devant les pressions des associations d'anciens déportés auxquelles elles ont dû verser des millions de dollars d'indemnités. Essentiellement parce qu'elles ont dû reconnaître qu'elles avaient eu recours au travail forcé. Alors, le groupe Kant. Pendant la guerre, il n'a pas agi autrement que ces grandes entreprises. Et le film de la télévision allemande en a apporté des preuves incontestables. Mais si vous voulez, on verra ça plus précisément un peu plus loin. Auparavant, je vous propose de nous intéresser à l'histoire des Kant. Je vous écoute. Cette famille huguenote est arrivée dans le Brandebourg en provenance des Pays-Bas au XVIIIe siècle. À l'origine, ce sont des artisans spécialisés dans la fabrication de cordages. Puis, presque naturellement, ils s'intéressent au textile. C'est donc, au début, tout au moins, des gens plutôt modestes. En effet. Mais tout va changer vers la fin du XIXe. Le chef de la famille, Émile, est un jeune homme ambitieux qui fait, comme on dit, un beau mariage avec la fille d'un gros industriel brandebourgeois. Ouais, dans la même branche ? Le textile, oui. Ouais. Et Émile, très entreprenant, devient bientôt l'associé de son beau-père et finit par lui succéder. Ce nouveau patron drapier est bien décidé à faire prospérer son entreprise. En deux décennies, à coup de diversification et de rachat d'entreprises concurrentes, il bâtit ainsi l'une des premières filatures d'Allemagne. Et lorsqu'il meurt, il laisse à son fils Günther 3 sociétés florissantes. Une histoire édifiante, ça. Et c'est ce Günther qui va transformer l'affaire familiale en un puissant conglomérat industriel. L'ascension continue. Et la Grande Guerre va y contribuer largement. À 34 ans, Günther Kant est mobilisé à sa façon. Le Reich le charge de fournir aux armées les uniformes de l'infanterie. Le marché est énorme, prolifique. En même temps, il est nommé consultant au ministère de l'économie et se familiarise ainsi avec les arcanes de l'administration et de la politique. Ouais, c'est un homme habile. Et surtout très malin. Ouais. Au sortir de la guerre, nanti d'une considérable fortune, il investit à tout va, dans l'industrie chimique, le textile, l'électricité. Il reprend ainsi les rênes d'AFA, une société qui produit des accumulateurs et deviendra plus tard célèbre avec les piles Varta. Ah oui, effectivement. Oui. Ouais. À noter aussi qu'il prend quelques participations dans une modeste entreprise qui fabrique des moteurs d'avion, la Bayerische Motorenwerke. BMW. Déjà, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que les Kant mettront la main sur BMW alors que l'entreprise est moribonde. Et ils la sauveront. C'est juste. Ouais. Enfin, n'allons pas trop vite. Bien sûr. En tout cas, la politique d'investissement de Günther Kant lui permet de ne pas être affecté par la crise économique qui suit la guerre. Et la terrible dépréciation du mark. Une inflation monstrueuse qui ruine l'Allemagne et conduit à la misère nombre de ses habitants. Ce ne sera pas sans conséquence quelques temps plus tard. Ouais, la montée du nazisme. Bien évidemment. Mais si les affaires de Günther ne cessent de prospérer, il n'en va pas de même dans sa vie privée. Il y a d'abord eu la naissance en 1910 de son deuxième fils, Herbert, atteint d'une grave maladie de la rétine qui le rendra pratiquement aveugle. Ce qui ne l'empêchera pas plus tard de reprendre en main la destinée de l'empire familial. Mais il y a surtout la mort de Tony, l'épouse de Günther, emporté par l'épidémie de grippe espagnole. Une épidémie qui ravage l'Europe. Et même le monde entier. On comptera des millions de morts. Veuf, avec deux garçonnets de 13 et 11 ans, l'industriel aspire bien sûr à se remarier. Et c'est alors que dans un train, il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Jeune, blonde, très belle, elle est encore pensionnaire dans un collège où elle apprend essentiellement les bonnes manières. Magda, c'est oui, ça. Oui, la future Magda Goebbels. Alors ici, pardonnez-moi, mais il me faut faire une longue parenthèse afin de vous parler de cette jeune fille dont Kant va presque instantanément s'amouracher. Dès cette première rencontre, là, dans oui, un train oui, Günther l'a expliqué plus tard, il a été ébloui. Et cet homme de 38 ans ne va avoir de cesse de revoir cette jeune beauté qui est aussi spirituelle que cultivée. Alors, qui est-elle? Magda est née au tout début du siècle. Sa mère, prénommée Auguste, est une femme très modeste dont l'histoire est relativement banale. Engagée comme servante dans une maison bourgeoise de Berlin, Auguste Berend est engrossée par le fils de la famille, Oscar Hetschel, un ingénieur. Ouais. Et elle donne naissance à Magda. Fille de mère, c'est alors une tare dans cette société allemande ultra conservatrice. D'autant que l'ingénieur refuse de reconnaître sa fille. Mais curieusement, toujours sans avouer sa paternité, Hetschel épouse Auguste. Ouais, c'est une attitude assez bizarre. Hein. Certainement, d'autant que Hetschel, même sans reconnaître sa fille, s'occupera toujours d'elle et veillera à ce qu'elle ne manque de rien. Quoi qu'il en soit. Son mariage avec la mère de Magda ne dure guère. Et au bout de 3 ans, les époux divorcent. Mais aussi surprenant que cela paraisse, l'ingénieur arrache l'enfant à sa mère et la confie à une institution religieuse de Bruxelles, où il réside désormais. Et la mère a accepté? Apparemment, oui. Ouais. Pendant plus de 2 ans, elle ignorera où se trouve Magda. Et tout ça permet de douter de l'authenticité de ses sentiments maternels. Hein. En effet. Mais entre-temps, Auguste a fait la connaissance d'un autre homme. Richard Friedlander, un commerçant d'origine juive. Toutefois, la jeune femme semble soudain se rappeler l'existence de sa fille. Avec son nouveau compagnon, elle fait le voyage de Bruxelles, où le couple va dorénavant se fixer et même se marier. Et la petite Magda, là? Auguste a revu sa fille. Épouvanté par les conditions de vie rigoureuses en usage dans l'institution où son père l'a placée, elle la change d'établissement. Un autre pensionnat. Et toujours religieux. Magda est alors une fillette plutôt solitaire qui bénéficie néanmoins de l'attention affectueuse de la mère supérieure. Grâce à elle, la gamine apprend le piano, visite des musées et développe ses qualités naturelles. Elle apprend vite et bien, et se distingue rapidement des autres pensionnaires. Pardonnez-moi de vous infliger tous ces détails, mais je crois qu'ils sont indispensables pour mieux approcher la psychologie de cette femme qui va jouer un si grand rôle dans son pays. Donc, si je résume, hein, c'est alors une petite fille qui ne se lie pas avec les autres enfants, mais qui se fait remarquer. Exactement. Elle est au-dessus du lot et exerce son charme sur les adultes. D'ailleurs, elle est de plus en plus présente au sein du foyer familial. Son beau-père lui voue une réelle tendresse et ne tarde pas à lui donner son nom. Elle s'appelle donc désormais Magda Friedlander. Et tout le monde peut penser qu'elle est juive. Et ça aura plus tard l'importance que vous pouvez imaginer. Rendez-vous avec X. L'historienne et documentariste Anja Klabunde a écrit une biographie de Magda Goebbels. J'y ai trouvé ses informations sur le beau-père de la fillette et l'enfance de cette dernière. Son beau-père, doté d'un caractère chaleureux, avait un excellent ascendant sur la fillette. Son humour et sa générosité contrastait agréablement avec l'austérité et la sévérité des religieuses. Il parlait aussi bien français qu'allemand et s'exprimait d'une voix teintée de mélancolie. Juif, Friedlander était, selon toute probabilité, issu d'une famille de la bourgeoisie allemande. Quoique parfaitement assimilé, il respectait à la lettre les grandes fêtes juives telles que Pessah et Yom Kippour. Il était d'usage dans les familles mixtes de familiariser les jeunes enfants aux usages religieux des deux parents, et c'est ainsi que Magda fut initiée à la foi israélite. Magda était une sorte marginale chez elle, comme dans son nouvel établissement scolaire où elle ne se mêlait pas aux autres élèves. Sitôt sortie de classe, elle se plongeait dans ses livres. S'enfermant dans sa chambre, elle se blottissait au creux de son fauteuil à bascule et lisait des heures entières la grande littérature. Au grand dam de sa mère, l'adolescente dévorait les œuvres classiques et les ouvrages artistiques comme s'il pouvait lui apporter les réponses aux questions qu'elle se posait. La première grande rupture dans la vie de Magda se produit juste avant le déclenchement de la Grande Guerre. Sujet allemand, les Friedlander, indésirables, doivent quitter précipitamment la Belgique et rejoignent Berlin. La fillette sera durablement marquée par cette fuite où ils doivent voyager dans des wagons de bestiaux. Plus tard, hein, d'autres wagons à bestiaux. Oui, on ne peut pas ne pas y penser, mais à ce moment-là, Magda aura sûrement oublié. De retour de leur exil bruxellois, les Friedlander s'installent donc à Berlin, qui n'est pas épargné par la fièvre guerrière qui s'est emparée de tout l'Empire. Mais c'est d'abord la misère et la promiscuité qui accablent alors les Friedlander. En fait, ils sont des réfugiés parmi d'autres. Tous ces milliers de gens qui ont afflué vers la capitale du Reich à cause de la déclaration de guerre. Et les Friedlander devront attendre une bonne année avant de quitter le centre d'hébergement où ils ont trouvé refuge. Et Magda ? Pas malgré ses conditions de vie assez précaires, elle a été inscrite dans un lycée où elle ne tarde pas à briller. Mais c'est en allemand qu'elle éprouve quelques difficultés. Ah oui, parce qu'en Belgique, c'est en français qu'elle a fait ses études. Et de ce fait, elle gardera toujours une légère trace d'accent français. Mais l'important dans ce lycée, c'est qu'elle fait une connaissance essentielle. Elle s'appelle Lisa Arlosorov et vient d'Ukraine, d'où sa famille a fui les pogroms de 1905. Elle est donc juive. Oui, ouais. Lisa devient très vite sa meilleure amie. Ouais. Alors, cette adolescente est donc la deuxième personne juive parmi les très proches de Magda. Et il y en aura une troisième qui comptera encore plus dans la vie de la jeune fille, Victor, le frère de Lisa, qu'elle rencontre au sein de cette famille Arlosorov, toujours très chaleureuse. Et ici se situe sans doute l'un des points les plus mystérieux de l'histoire de Magda. Racontez. Victor Arlosorov est un jeune homme séduisant à tout point de vue. Brillant étudiant, il est aussi charmant et très attentionné. Ouais, bref, il plaît, quoi. Et Magda n'est pas du tout insensible. Oui, c'est ça, elle est attirée. Alors, jusqu'où est allée cette idylle? Bon, ça, je n'en sais rien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce jeune juif est aussi un militant. Socialiste, inspiré par Rosa Luxembourg, il est également sioniste et se rendra très tôt en Palestine pour un premier séjour. Plus étonnant est le fait qu'il amène sa jeune camarade à partager ses convictions. Quoi, ses convictions sionistes? Oui. Et pourtant, elle n'est pas juive, enfin, même si son beau-père l'est, lui. Ben oui, mais telle est la vérité. La future Magda Goebbels partage alors l'idéal sioniste de Victor Arlosorov. Avec lui, elle se rend dans des réunions de militants et elle envisage même d'aller vivre un jour en Palestine. Ouais. Donc, il ne s'agit apparemment pas d'une foucade d'adolescente amoureuse. Ben, c'est bien ce que je voulais dire. Car Magda s'engage. Elle ne se contente pas d'accompagner son cher Victor. Elle recueille des dons et vient en aide à tous ces Juifs d'Europe de l'Est chassés de leur village par les pogroms et la guerre. Et incontestablement, dans cette Allemagne de l'après-guerre, déchirée par la guerre civile, le choc de la défaite et les privations, les deux jeunes gens communient dans la même foi socialiste. L'idéal des jeunes sionistes, il ne faut pas l'oublier, c'est la vie communautaire. Ouais, le kibbutz. Oui, ouais. Encore un détail étonnant. Magda porte alors en pendentif une étoile de David que lui a offerte Victor. Effectivement, quand on songe à la suite. Mais Magda et Victor ne tardent pas à s'éloigner l'un de l'autre. Que se passe-t-il alors? Oh, c'est assez banal. Victor, inscrit à l'université, de plus en plus occupé par ses activités militantes, tandis que Magda, elle, prépare son baccalauréat. Ah ouais, passe ton bac d'abord. Magda est une bonne élève, très consciencieuse. Et puis un autre homme est revenu dans sa vie, son père biologique, l'ingénieur Hitchell. Un homme aisé qui fait en sorte que sa fille ne manque de rien et acquiert une bonne éducation. C'est lui qui l'habille et va payer la note du pensionnat chic où elle s'inscrit. C'est lui aussi qui lui fait entrevoir tous les charmes d'une vie bourgeoise. Ouais, c'est à l'opposé des idéaux de Victor. Hein. Victor qui d'ailleurs s'embarque pour la Palestine où il va guider les premiers pas d'un groupe de juifs réfugiés. Et vient alors le moment où dans le train qui l'emporte vers son pensionnat, Magda rencontre Kant. Exactement. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'un coup de foudre, au moins pour Magda. Günther Kant, qui approche de la quarantaine, est loin d'être un donjon. Plutôt replet, le crâne déjà en partie dégarni, l'industriel n'est pas particulièrement séduisant. Même si son maintien, ses vêtements témoignent d'un extrême raffinement. Et surtout riche, hein, très riche. Voilà. Et l'ambitieuse Magda imagine déjà la vie confortable et sans souci que pourrait lui offrir Günther. Elle a bien changé, hein, et surtout très vite. C'est vrai. Alors, il y a certainement une part de dépit amoureux. La jeune fille a sans doute réalisé que Victor lui échappait. Victor qui, bientôt, rencontrera une étudiante en médecine juive dont il va s'éprendre avant de tomber un peu plus tard amoureux d'une autre jeune femme établie en Palestine qu'il finira par épouser. Et puis, Magda, elle, n'est pas juive. Ouais, ça veut dire que la greffe n'a pas pris. Certainement. Malgré tous ses efforts, Magda demeurait étrangère à la culture et aux traditions de ses amis sionistes. Et on a là un trait de caractère fondamental. Au fond, si Magda a été aussi fortement attirée par Victor, c'est qu'elle a senti très vite qu'il avait la carrure d'un meneur d'hommes. Ce qui deviendra effectivement plus tard. Un chef. Oui. Ouais. Magda, malheureusement, sera toujours éblouie par les chefs. Avec, bien sûr, l'espoir de voir rejaillir sur elle un peu de l'admiration qu'on leur voue. En outre, malgré ses engouements, elle restait très conformiste. Et la perspective d'un riche et beau mariage a eu rapidement raison de son généreux enthousiasme de jeune fille. Ouais, qui n'était donc pas vraiment sincère. Et quand lui... Oh ben, il est tombé réellement amoureux, ça ne fait aucun doute. Ouais. Mais si je comprends bien, pour Magda, c'est d'abord un mariage de raison. Et une formidable occasion d'échapper au milieu modeste auquel elle appartient. Car grâce à Kant, elle épousait l'une des premières fortunes d'Allemagne. Mais il lui fallait auparavant aplanir quelques difficultés. Difficultés de quel ordre ? Magda, je vous le rappelle, portait le nom de son beau-père, Friedlander. Un patronyme juif. Oui, et pour la famille Kant, c'était inacceptable. La haute société allemande était alors généralement antisémite. Et puis il y avait la question religieuse. Magda avait été élevée dans la religion catholique. Et les Kant étaient protestants. On a donc exigé de Magda qu'elle change non seulement de nom, mais de religion. Ce qu'elle a fait ? Sans aucun état d'âme. Pour la religion, c'est très simple. Avant même ses fiançailles, Magda se convertit. Et ensuite, elle s'est empressée de renier ce beau-père juif qui l'avait élevée et lui avait toujours voué une grande affection. Et comment alors a-t-elle procédé ? Oh ben, elle a demandé à son père naturel de le reconnaître. Ah ouais, afin de pouvoir porter son nom. Pour la famille Kant, Rachel, c'était quand même plus présentable que Friedlander. Et l'ingénieur, qui n'avait pourtant jamais reconnu sa fille, a accepté de donner son nom à cet enfant de 20 ans. Et Friedlander, lui, s'est incliné. Que pouvait-il faire d'autre ? D'ailleurs, son mariage avec Auguste, la mère de Magda, battait de l'aile. Et bientôt, peu après le mariage de la jeune fille, les époux finiront par se séparer. Et on s'empressera d'oublier ce juif qui faisait tache dans la biographie de Magda. Ça ira même très loin, puisque lorsque l'antisémitisme d'État se déchaînera en Allemagne, Friedlander sera purement et simplement renié et Magda ne lèvera pas même le petit doigt pour le sauver. Ouais, alors que, épouse de Goebbels à l'époque, elle aurait pu le faire. Hein. Certes. Mais elle avait déjà décidé depuis bien longtemps d'effacer de sa vie tout ce qui était juif. Et Friedlander périra dans un camp de travail forcé avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Petit retour chez un personnage que nous allons bientôt retrouver, Victor Arlosorov, l'amour de jeunesse de la future Magda Goebbels. Guido Knopp, journaliste allemand, auteur d'un ouvrage sur les femmes d'Hitler, le décrit ainsi. Au fil de la guerre, son exaltation initiale, celle d'un jeune patriote allemand pris par l'euphorie générale d'une victoire considérée comme acquise, laissa la place à une nouvelle conscience individuelle lorsque le garçon de 18 ans commença à réfléchir à son origine. « Je suis juif », écrivit Victor Arlosorov en 1917 à son professeur de littérature allemande, « et je me sens fort et fier d'être juif. Mes semblables me paraissent ne pas être exactement calqués sur l'identité allemande et je ne le dissimule jamais. Je ressens combien vivent en moi l'Orient, la déchirure du nomadisme, la nostalgie de la globalité, toutes choses que l'allemand de souche ne possède pas. » Le lycéen apprit l'hébreu et se plongea avec passion dans l'étude de l'idée et de l'histoire du sionisme. Il en vint bientôt à la conclusion que l'avenir du judaïsme, dispersé dans le monde entier, ne pourrait se trouver que dans Eretz Israël, le foyer national juif en Palestine. Ce n'était pas un zélateur ni un sectaire, il ne forçait personne à adopter ses convictions. Mais il avait beau se sentir chez lui à Berlin, il était heureux de se préparer, dans la théorie comme dans la pratique, à sa future existence de colon en terre promise. Comme il était d'un naturel sociable et charismatique, un cercle de jeunes camarades partageant ses opinions, juifs et non-juifs, s'était constitué autour de lui. Et l'auteur d'ajouter, « Magda était tombée amoureuse de Rahim, le nom que se donnait désormais Victor. En ce jeune intellectuel sûr de lui, elle avait décelé cette résolution, cette ténacité qui l'attirèrent toute sa vie chez les hommes. Le livre de Knop a été publié par Payot. Le mariage de Magda Rachel et Günther Kant est célébré en janvier 1921. Les profs que les Kant n'ont pas accepté de gaieté de cœur ce qui reste pour eux une mésalliance, les parents ne se rendent pas à la cérémonie. Ah, alors, malgré les concessions faites par la jeune femme. Oui. Et puis, il y a sans doute chez eux le soupçon que Magda, qui a pratiquement 20 ans de moins que son mari, l'a d'abord épousée pour sa fortune. Ouais, ce en quoi ils n'ont pas tort. Bien entendu. Et la suite finira par leur donner raison. Mais enfin, ne brûlons pas les étapes. Et comme d'habitude, n'allons pas trop vite. Je vous en prie. Très vite, Magda s'ennuie. Kant n'est pas un personnage très intéressant. Non pas qu'il soit désagréable avec son épouse, au contraire. Dès qu'il le peut, il la comble d'attention et ne lui refuse jamais rien. Mais le cocon, aussi doré soit-il, étouffe cette jeune femme qui a envie de vivre et de s'amuser, tandis que Kant, lui, ne pense qu'à son travail et à ses affaires. Ouais, et ça n'engendre pas beaucoup de sujets de conversation. En effet. Heureusement pour Magda, il y a les enfants. Ceux issus du premier mariage de Günther, d'abord, deux garçons. Herbert. Et c'est celui qui a des problèmes de vue, là. Hein. Oui, et l'aîné Helmut. Entre Magda et celui-ci, il y a peu de différence d'âge. Et la jeune femme éprouve pour lui une grande affection. Certains imagineront même des sentiments encore plus profonds. Quoi, un attachement amoureux Pourquoi pas. Comme Colette avec son beau-fils, Bertrand Jounet. Oui, c'est le personnage du blé en herbe. Alors, je ne peux pas aller plus loin, mais il faut quand même observer que, lors de la mort d'Helmut, à la suite d'une appendicite mal soignée, Magda éprouvera un profond chagrin. Plus grand sans doute que la mort d'un beau-fils aurait dû inspirer à une belle-mère, mais enfin, passons. Cette mort subite, inattendue, scellera d'ailleurs la fin du couple Magda-Günther. Encore un indice, hein. Peut-être. Ouais. Mais je reviens aux enfants. 11 mois après son mariage, Magda donne naissance à un garçon, Harald. Ouais. Ben, grâce à cet enfant, elle va peut-être tromper son ennui. Un peu, oui. Mais comme dans toutes les familles de la grande bourgeoisie, c'est une nourrice qui s'occupe du bébé. Non, ce qui la sort de sa morne et luxueuse existence, c'est la compagnie de sa belle-sœur, Hello. Mariée à un frère de Günther, elle a à peu près l'âge de Magda et subit comme elle l'ennui de cette vie conformiste aux principes rigoristes. Ouais, et ça rapproche les deux femmes, ça. Forcément. Hello recueille donc les confidences de sa belle-sœur. Et c'est grâce à son précieux témoignage, recueilli après la Seconde Guerre mondiale, que les historiens en apprendront un peu plus sur la future Magda Goebbels. Mais car elles resteront toujours amies. Jusqu'à la fin, oui. Mm. Quoi qu'il en soit, et pardon si je me répète, tout au long de ces années 20, Günther Kant s'attache à faire fructifier ses affaires. Mais malgré la crise. Ça explique aussi pourquoi il délaisse trop souvent sa jeune épouse. Il arrive ce qui doit arriver. Magda, après le décès de son cher Helmut Kant, se réfugie dans des bras plus affectueux que ceux de son mari. Ouais, ça, c'est pas très étonnant. Hein. Non, mais la jeune femme ne fait pas grand-chose pour dissimuler ses amours illégitimes. Et Günther Kant n'est pas de l'étoffe dont on fait les époux complaisants. Ah oui, c'est la séparation, hein. Oui, mais Magda ne veut pas renoncer à ce luxe auquel elle s'est si facilement habituée. Et elle exige des compensations financières. Naturellement. Et comme l'industriel se fait un peu tirer l'oreille, la jeune épouse se livre à une vraie filouterie. Racontez-moi ça. Hein. En fouillant dans les affaires de Günther, elle trouve des lettres écrites par d'anciennes maîtresses de l'industriel. De femme un peu légère qu'il a fréquentée avant son mariage. Avant son mariage, rien de répréhensible, donc. Peut-être, mais si ses lettres venaient à être rendues publiques, c'est la réputation des Kant qui pourrait en souffrir. La famille est huguenote, je vous le rappelle. Au fond, n'ayons pas peur des mots, c'est une sorte de chantage qu'exerce Magda. Exactement. Et ça éclaire le personnage qui sera censé incarner ensuite toutes les qualités de la mère de famille allemande. En tout cas, ça lui permet d'obtenir une pension très confortable et même la jouissance d'un bel appartement au cœur de Berlin. Il faut d'ailleurs observer que Günther Kant, malgré l'indélicatesse de son ex-épouse, se conduira avec elle de façon très magnanime. Il sera d'autant plus tenté de le faire que Magda sera bientôt une femme très influente. Oui, après l'arrivée au pouvoir des nazis. Bien sûr. En attendant, Magda, officiellement divorcée en 1929, continue à mener grand train et profite de sa nouvelle liberté. Elle a en particulier une aventure avec un riche citoyen américain, Herbert Hoover, neveu du futur président des États-Unis, qu'elle a connu lors d'un voyage outre-Atlantique effectué avec Kant. Le jeune millionnaire veut l'épouser, mais Magda refuse et continue de filer le parfait amour avec Ernst, un étudiant qu'elle a fini par installer chez elle. Mais elle a aussi revu Victor Arlosorov. Alors, qu'est devenu ce dernier-là ? Le jeune militant sioniste a fait son chemin en Palestine. C'est maintenant un dirigeant important du mouvement sioniste. Et s'il vient en Allemagne, c'est pour trouver des subsides en faveur des colons juifs qui sont toujours plus nombreux à vouloir s'établir là-bas. Bien sûr. Et ses retrouvailles avec Magda ? Elles sont sans doute très émouvantes. Et Victor lui a demandé une nouvelle fois de venir avec lui en Palestine. Mais Magda n'a pas une âme de pionnière et surtout elle n'a absolument pas l'intention de renoncer à son existence douillette pour aller cultiver des tomates ou planter des citronniers dans le désert. Ces retrouvailles sont donc sans lendemain. Même si les deux anciens amoureux ne coupent pas tout à fait les liens, mais le fossé ne va cesser de s'agrandir entre eux. Car Magda, désœuvrée, a déjà commencé à fréquenter les nazis. On est donc là à la fin des années 20, c'est oui, ça oui, oui. Et comment ça commence alors? Malgré sa liberté, malgré son jeune amant et même malgré son fils dont elle a obtenu la garde, Magda s'ennuie toujours. Et un peu par hasard, des amis appartenant à la meilleure société la poussent à fréquenter les réunions d'un club privé huppé, le Nordische Ring. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une assemblée élitiste qui regroupe des aristocrates et des grands bourgeois et qui s'est donné comme objectif de réformer la vie sociale. Principe fondamental, la supériorité de la race nordique. Ouais, la race aryenne. C'est ça. Et presque naturellement, tous ces gens sont proches du Parti National Socialiste, dirigé par un certain Adolf Hitler. Une organisation politique qui commence à monter en puissance et s'est déjà dotée d'un service d'ordre paramilitaire, les SA. Ouais, les sections d'assaut. Hein. Tous les membres du Nordische Ring ont été très impressionnés par un événement spectaculaire organisé par les nazis à l'occasion de la mort brutale d'un jeune SA. Horst Wessel, en 1930. Vous connaissez sans doute l'histoire. Oui, à peu près. Wessel, 23 ans, bien connu pour être un souteneur, a été tué au cours d'une rixe qui l'opposait à une milice communiste. Immédiatement, les chefs du parti nazi décident d'en faire un martyr. La cérémonie des obsèques est grandiose et suivie par des milliers de personnes. On y entend pour la première fois le Horst Wessel-Lied, qui va devenir l'hymne officiel du parti nazi. Et la mise en scène a été signée par Joseph Goebbels. Oui, oui, c'est l'homme qui monte au sein du parti nazi. Un orateur exceptionnel qui électrise les foules et fascine rapidement les membres du Nordische Ring. Ouais, malgré un physique peu avantageux. C'est juste. Ce propagandiste de la race des seigneurs est petit, boiteux, et sa trop grosse tête est juchée sur un corps malingre. Mais ça ne l'empêche pas d'être idolâtré par les sympathisants nazis et d'accumuler les conquêtes féminines. Et alors Magda... Pas tout de suite. Mais c'est vrai qu'elle rêve de rencontrer le petit homme et que dès la première réunion où elle l'entendra discourir, elle sera séduite. Non, d'abord, on lui conseille de se rendre utile au parti. Oui, mais pour quelle besogne? Intelligente, parlant le français et l'anglais, elle rend de petits services à la cellule locale du parti. Mais ça ne suffit pas, cette bourgeoise qui nourrit de grandes ambitions. Ouais, elle n'est pas faite pour le militantisme de base. Certainement pas. C'est le gratin qu'elle vise. Et que pense-t-elle de l'idéologie nazie Assez sérieusement, elle se documente, lit Mein Kampf. Ouais, le livre programme d'Adolf Hitler. Où le futur Führer du peuple allemand annonce déjà tout ce qu'il va entreprendre, à commencer par l'extermination des Juifs. Et elle est d'accord? Elle ne trouve rien à relire? Non, elle se sent en parfaite adéquation avec ce discours sur la race. En dépit de ses amitiés ou affections passées. Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Et elle n'a aucun mal à se persuader, comme le répète sans cesse Goebbels, que Hitler sera le sauveur de l'Allemagne. une opinion qui n'est pas partagée par les membres de son entourage. Sa mère d'abord, qui juge que Goebbels n'est qu'un petit bourgeois fou furieux, un Savonarole. Du nom de ce moine fanatique qui a autrefois ruiné Florence. Et quant à son ex-époux avec lequel elle a gardé des liens amicaux, il est aussi très méfiant. Mais lorsqu'Hitler deviendra chancelier en 1933, il succombera comme beaucoup d'autres grands patrons aux sirènes nazies. Et d'abord parce que le régime hitlérien lui donnera l'occasion de faire d'excellentes affaires. Mais c'est un autre débat. Et je vous propose de voir cela lors de notre prochain entretien. Rendez-vous est pris.